Dossier 1, livre page 15. Quel âge a Fadi ? Fadi a 6 ans. Il va à l'école. Lynn, tu finis à quelle heure ? À midi. Où est Samy ? Il est dans la cour.